Les images qu'on donne de la réalité comptent tout autant que la réalité elle-même. Alors, si vous contrôlez l'une, vous maîtrisez l'autre. Regarde un peu l'histoire de Hussein Saddam. Ils nous ont fait croire que sous son sol, ils nous cachaient de grosses armes. Des mères ont donné leur fils à Bush pour venger le 11 septembre. 5 ans déjà et toujours pas de fils, bien au chaud dans leur chambre. Mais bon, Bush lève le champ. Depuis leur livre d'école, nos données sont erronées. Aucun bagage à l'épaule, ils veulent pas nous embaucher. Plutôt qu'on perde la boussole, pour pouvoir nous orienter, pour pouvoir nous diriger, pour pouvoir tout contrôler. Catastrophe, Molotov et Meutier. CNN montrait la carte de France en train de brûler. Lycéenne, foulard d'Arafat en train de résister. Cette fausse lutte contre le tabac me fait rigoler. Mange bien pendant que je vais crever. Pour ressembler aux people, pour se pavaner sur la côte. Pour être toujours à la mode, elle a deux doigts dans la gorge. Sur tous les murs de sa piole, Christelle Bazooka comme idole. Fini l'école, pour être quelqu'un faut bosser chez un démon. Mais c'est les mêmes qu'on refuse. Pour respecter les quotas, on ne compte plus les gens qu'on expulse. Façon pour eux c'est pas grave, même pas une ombre d'excuses. Pourtant ils bafouillent nos droits, ce soit dans un gymnase campus ou dehors ils veulent pas. La G7, les extra, les sachets, le caca rentre le dos. Jones, la gâchette pour masquer. Tout le monde à terre, la première dame de France fait son défilé. Le président fait plus de couverture que la bride, les cours de dîner en dîner. Les données qu'on reçoit sont erronées. On vit avec et on s'en fout plein le nez. Les infos, leurs médias sont erronées. Et si ça pète, ne sois pas étonné. Les données qu'on reçoit sont erronées. On vit avec et on s'en fout plein le nez. Les infos, leurs médias sont erronées. Et si ça pète, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné, ce qu'on nous montre c'est de la para. Ils nous font des tas de promesses, mais c'est souvent des mirages. Ils nous parlent de pouvoir d'achat, mais qui encaisse au final. Pas nous qui en blesse au final, pas eux qui finissent au tribunal. Au pouvoir pendant 40 ans, en Afrique les chefs d'état vivent grâce à nos télétons. Le gasoil, les rois regardent Total enrichir la misère mondiale. Kadhafi a du sang sur la même et tu la serres, car pour toi c'est pas grave, faut de la caille. La télé raconte que des bobos. Armstrong n'a pas marché sur la lune, on a vu flotter son étendard. Amérique sera-t-elle gouvernée par une femme ou par un noir? C'est là, reste à voir. Ils nous foutent la honte dans l'émission droite à voir. Donc les bois, comment ils vous manipulent? Font croire que dans le bloc y'a des millions en euros qui circulent. Arrête, arrête, y'a pas que les jeunes de quartier qu'on immatricule. Car notre état est un marchand, un fabricant d'interdiction, un pro sur ton enculé. La canicule, les Caraïbes, la mer. Ils nous font gagner le paradis alors que là-bas ils vivent l'enfer. Des nouveaux millions, tu les investis, le tsunami balaye tes rêves. Tout se fait, tout se règle. Depuis quand les hommes sont chez eux sur terre? Car à la règle sont faites les frontières. Liberté d'expression, mon cul, on t'envoie les militaires. Si tu veux les pleins pouvoirs, deviens le pote à la gardère. Je suis amnésique quand un flic me parle, donc laisse-nous crier l'histoire de nos pères. Les données qu'on reçoit sont erronées. On vit avec et on s'en fout plein le nez. Les infos, leurs médias sont erronées. Et si ça pète, ne sois pas étonné. Les données qu'on reçoit sont erronées. On vit avec et on s'en fout plein le nez. Les infos, leurs médias sont erronées. Et si ça pète, ne sois pas étonné. Les données qu'on reçoit sont erronées. On vit avec et on s'en fout plein le nez.